monsieur, vous n'arrivez plus à jongler entre vie de famille et vie professionnelle. Le poids des responsabilités vous épuise tellement que vous rêvez de retrouver le temps béni de l'enfance et son insouciance. Débranchez et offrez-vous plutôt un week-end chez papa et maman. Abandonnez femme et enfant sur le bord de la route et filez-vous faire dorloter 48 heures par vos gentils géniteurs. En passant un week-end chez papa et maman, c'est l'assurance de ne rien faire deux jours entiers et simplement de vous laisser aller. Grâce à une mère dévouée, vos efforts ne se limitent plus qu'à des déplacements réduits entre le canapé et la salle à manger. Vous alternez ainsi séries télé, siestes, matchs de foot et plats préférés préparés par votre chère maman qui est finalement la véritable femme de votre vie. Retrouvez votre cœur d'enfant en retournant chez maman. C'était un message de l'AMPF, l'association des mères poules de France.